L'amour a-t-il changé de nature? On assiste aujourd'hui à une transformation des rapports amoureux qui fait craindre à certains et à beaucoup en fait qu'ils aient profondément changé et même changé de nature, comme s'il y avait une nature immuable de l'amour et de la haine, son contraire, à travers les siècles, à travers les cultures, comme s'il n'y avait pas aussi une histoire de l'amour, comme si l'amour n'avait pas de transformation majeure sans pour autant disparaître de la carte du tendre, de la carte des passions humaines. Mais la transformation que certains regrettent aujourd'hui, c'est une transformation qui leur paraît faire passer l'amour du sentiment vers plutôt quelque chose de moral, de régulé aussi par une sorte de contrat. C'est la peur de voir l'amour traversé par des risques éthiques ou politiques, par exemple par le viol ou la violence en général ou la violation. Et d'une certaine manière, on introduirait partout, et c'est vrai que c'est le cas, dans toutes les relations amoureuses, la nécessité de respecter autrui, la nécessité d'interdire certains actes sans le consentement. Peut-être faudra-t-il, craignent certains, demander à d'autres la permission de les aimer, la permission de faire l'amour. Et finalement, la sexualité elle-même serait régulée par des règles dans tous ces actes et dans toutes ces dimensions. Est-ce qu'on ne perdrait pas la beauté, la passion même de l'amour à vouloir ainsi le réguler? Mais regretter cela, c'est aussi évidemment être dans un déni, et c'est le déni au fond de l'ambivalence des passions humaines, de cette ambivalence qui fait que même l'amour est traversé non seulement par un contraire affectif, la haine, mais par une question de pouvoir, une volonté de domination, un risque d'inégalité, parfois redoublé par des inégalités générales dans nos sociétés, par exemple entre les êtres masculins ou féminins, ou aussi les adultes et les enfants. Et finalement, dans tous les rapports amoureux, il y a aussi des rapports de liberté et d'égalité qu'il faut préserver. Est-ce que cela fera disparaître l'amour? Est-ce que l'amour n'en sortira pas plus fort d'être aussi traversé par le respect, mais s'il doit même parfois expliciter certaines règles? Pour aller jusqu'au bout de cela, il faut bien entendu réintroduire la hantise qui travaille toutes les passions humaines, la hantise du négatif, la hantise de la haine. En réalité, il n'y a pas d'amour humain qui ne vise à dépasser son propre contraire, de même qu'une marche est, disent certains, l'évitement constant d'une chute. L'amour doit respecter certaines règles et n'en ressort que plus fort parce qu'il doit aussi être réciproque. Parce que l'amour n'est pas seulement la passion de l'un pour l'autre, mais la reconnaissance de l'un par l'autre et son ouverture aussi sur un respect des uns et des autres dans nos sociétés. L'amour n'a donc pas changé de nature. Il intègre plutôt progressivement des passions qui ne sont pas ses contraires, qui sont aussi des passions politiques, des passions éthiques, des passions démocratiques. La démocratie n'a peut-être pas pour moteur l'amour, comme le disent certains, inspirés par le Christ des évangiles, la démocratie comme amour universel. La démocratie n'a peut-être pas l'amour comme moteur, mais c'est peut-être l'inverse. L'amour a peut-être aussi la justice comme principe, la justice comme horizon, la réalisation contre ses contraires, contre les violences, contre le viol qui est peut-être au cœur de toutes les violences humaines, et la haine, y compris dans l'amour parental, fraternel, ces risques intimes dans les amours les plus intimes qui font que l'amour, non, n'a jamais changé de nature. Il a toujours été aussi un refus de l'injustice et de la violence.